On avait épée, magie et bouclier. Et on descendait la vallée. Nous on faisait que de rêver. À chaque pas on chantait. Malgré le froid qui nous glaçait. Mais c'était pas sans voir les mistrales. C'était pas sans voir les étoiles dans la nuit. Et on n'avait pas toujours le moral. Et on n'avait pas grand chose de royal pour la nuit. Que tomber. Et on avait l'impression qu'il dansait dans la lumière lunaire. Le lit de neige s'épaississait et la terre semblait apprécier cette nouvelle pureté. Mais c'était pas sans voir les mistrales. C'était pas sans voir les étoiles dans la nuit. Et on n'avait pas toujours le moral. On n'avait pas grand chose de royal pour la nuit. On était aventuriers. On avait épée, magie et bouclier. Et on descendait la vallée enneigée. Le lit de neige s'épaississait et la terre semblait apprécier cette nouvelle pureté. Mais c'était pas sans voir les mistrales. C'était pas sans voir les étoiles dans la nuit. Et on n'avait pas toujours le moral. On n'avait pas grand chose de royal pour la nuit.